avec les yeux, avec la voix, avec le cœur, avec les doigts, apprivoise-moi. Apprivoise-moi avec des gestes, avec des mots, avec des rires et des sanglots, apprivoise-moi. Avec folie, avec